说。Faites entrer le roi. Avec le navigateur 7 zone. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du navigateur 7 zone? You are the one. You are the one. Essayez d'improviser sur ce côté joue. Ah, j'ai trouvé ce que je cherche. Comment ça? Non, c'est quand je cherche un truc sur internet que ça fait ça.